contre la bande de Bakounine qui empêche l'ouverture de la conférence conjointe des organisations politiques et sociales et des personnalités individuelles du Nord, du Sud et de la diaspora pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne. Le porte-parole de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis et le président de la direction des Coréens au Japon du comité d'outre-mer de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, membre du comité préparatoire au Japon de la conférence conjointe susmentionnée, ont publié les 5 et 8 courants, les déclarations et entretiens.